Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, la marche des sciences. Aurélie Luneau. C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux. J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans la marche des sciences pour ce numéro consacré aujourd'hui à une vétérinaire peu ordinaire. Marie-Claude, c'est une vétérinaire de formation, passionnée d'animaux depuis toute petite. Alors d'un point de vue professionnel, une grande sensibilité aux animaux et en tant que véto, une grande sensibilité au bien-être des animaux. Une vraie vista médicale. Et ça, c'est très important. Et puis en plus, après, sur le plan des élevages et du bien-être animal, c'est vraiment quelqu'un d'essentiel. Comme le disait son ami et complice, le vétérinaire Jean-Luc Berthier, elle est quelqu'un d'essentiel. Ce genre de personnage qui suscite un florilège d'adjectifs, voire de superlatifs, pour bien nous faire comprendre qu'elle n'est pas tout à fait comme les autres. Avenante, brillante, caustique aussi. Marie-Claude Baumsel a une crinière de lionne et le parler franc et direct d'une scientifique pragmatique. Une femme qui a mis en pratique ses connaissances et ses intuitions dans une recherche appliquée au quotidien pour les générations d'aujourd'hui et celles de demain, pour les animaux avant tout et la préservation de cette richesse du monde du vivant sur Terre. Rencontre aujourd'hui sur France Culture avec celle qui a voué sa vie aux animaux et à leur bien-être. Docteur vétérinaire, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris au sein du département des parcs botaniques et zoologiques, chercheuse et femme de médias et auteure de livres dont le dernier à l'attention des enfants s'appelle « Le tour du monde des animaux » paru chez Rue des Enfants. Et c'est le tour du monde privé-public de Marie-Claude Baumsel que nous allons vous proposer aujourd'hui de découvrir avec nous dans une émission émaillée d'archives sonores de l'INA, dénichée par Anaï Morales et Anne Delaveau, et avec des reportages concoctés par Céline Duchesnay auprès de proches de notre invité. Marie-Claude Baumsel, pour l'amour des animaux, direction sans plus attendre la ménagerie du Muséum à Paris avec Céline Duchesnay et un autre complice de notre invité. Donc là, on est dans les coulisses, un endroit où seuls les soigneurs pénètrent, et de temps en temps, les vétérinaires. Et de l'époque où je suis rentré à la ménagerie, c'est-à-dire en 1974, aujourd'hui, il ne reste que Nénette. Notre Nénette, qui était là avant moi, qui est arrivée en même temps, à peu près en même temps que Marie-Claude à la ménagerie. Alors donc là, vous avez ouvert une porte, et on a donc accès directement à Nénette, qui s'est tout de suite approchée dès que la porte a été ouverte. Mais il reste la grille entre nous quand même. Hein. Parce que s'il n'y avait pas la grille, je ne sais pas ce qui se passerait. Parce que justement, il y a deux personnes à la ménagerie qui peuvent se permettre d'ouvrir la porte, ou qui pouvaient en tout cas le faire et qui l'ont fait pendant très longtemps, c'était Marie-Claude et moi. Aujourd'hui, la confiance est encore là. Et s'il le fallait, et il l'a fallu quelquefois, on ouvre la porte, je rentre avec Nénette. Et elle ne m'a jamais rien dit, alors qu'il y a eu des accidents graves avec Nénette et d'autres soigneurs. Et puis Nénette, elle a fait son premier bébé. Il fallait suivre le bébé, etc. Et donc on faisait avec Marie-Claude, qu'est-ce qu'on faisait? On rentrait avec elle, on se bourrait les poches de friandises, etc. Nénette venait sur nous, elle nous attrapait par le cou, le temps qu'elle nous défaisait les poches, qu'elle trouvait les friandises, pendant ce temps-là, nous, avec une seringue, on donnait le médicament au petit. Elle nous laissait tripoter son petit, etc., sans jamais avoir vraiment de méchanceté. Bonjour Marc-Claude Baumsel. Bonjour. Alors, vous êtes une femme au privilège inestimable, on peut dire, pouvoir approcher comme ça l'orang-outan Nénette de la ménagerie du muséum, vivre ces moments de communion, c'est unique quand même. C'est plus qu'unique, c'est essentiel, comme on l'a dit dès le départ, et c'est surtout un grand apprentissage. Parce que de Nénette, on a appris beaucoup de choses, particulièrement moi, qui, quand je suis arrivée, n'avais pas d'enfant. Et j'ai appris, grâce à Nénette, à les élever, en quelque sorte, c'est-à-dire à m'en soucier à minima. Non, parce que si ma fille serait là, elle écouterait, elle râlerait. Mais en gros, d'avoir un souci modeste. Par exemple, quand on vous dit que Nénette prenait des bonbons et que pendant ce temps-là, on donnait des médicaments aux petits, on vous dit pas qu'elle goûtait avant et que si c'était meilleur, elle avalait le médicament. Le petit se débrouillait. Si on donnait un yaourt, par exemple, elle prenait le yaourt et elle donnait le petit peu qui reste sur le couvercle, vous savez, au petit pour qu'il lèche. Et à lui ensuite de monter sur elle et de plonger la main dedans pour avoir la nourriture. On apprend beaucoup. Et puis on apprend le calme, la non-colère, la tranquillité. Mais c'est vrai que cette époque est malheureusement révolue. Il y avait une très grande confiance entre les grands singes et nous. Peut-être étions-nous inconséquents. On a promené, nous, les petits, au milieu du public. Vous imaginez, maintenant, ça serait complètement fou. Il n'y avait pas le selfie, il n'y avait rien. Oui. On les promenait comme ça sur le dos, quand on avait des soucis, d'ailleurs, parce qu'ils étaient mieux avec leur mère, mais s'il y avait besoin de les soigner. Et tout le monde disait, oh, comme il est mignon et adorable. Et pourquoi vous dites que c'est une époque révolue? Parce que il y a vraiment des conditions draconiennes de sécurité aujourd'hui, c'est ça? Voilà. Partout, maintenant, il y a eu effectivement quelques accidents, dont chez nous, heureusement pas grave, mais d'autres parfois plus graves. Et puis la sécurité envahit tout et le public est devenu très inconséquent. L'obsession maintenant du public, c'est vie ma vie. Donc j'approche l'animal sans aucun décode parce que nous, Nénette, elle savait que nous étions ses vassaux, soyons nets. Hein. Oui. On attendait le moment où la reine daignait arriver et où elle prenait ce que nous lui donnions. Puis elle remontait grandiose. Mais maintenant, le public arrive, hurle, crie, grimace et lui fait peur. Et ça n'est plus possible. Plus l'éternelle photo, toutes les bêtises que fait le public maintenant. Alors le compagnon qu'on a entendu hein, de ce muséum de la ménagerie, c'est le soigneur Gérard Doussot. Gérard Doussot, oui. On a commencé en même temps. J'étais un peu avant lui. J'ai vu arriver Nénette. Et après, nous avons suivi longuement. Il est resté plus près des bêtes parce que moi, après, je suis devenu directeur, chercheur. Vous savez, on oublie à ce moment-là, malheureusement, mais c'est un des meilleurs soigneurs que nous ayons eu. Je le dis pas parce que c'est lui. On en parlait encore tout à l'heure. J'étais au zoo et vraiment, il va partir lui aussi, car nous sommes partants maintenant, oui, les oui. vieux. Nénette va rester, mais il y a eu des relais maintenant. Il y a beaucoup de femmes, il y a d'excellents soigneurs, et puis elle fait ce qu'on appelle du training et des choses comme ça, très modernes. Elle a mis du temps à l'avoir, c'est-à-dire qu'on échange, c'est ce qu'on appelle le training médical, oui. pour éviter le fusil ou autre genre de choses, on échange des choses. Et ça, bon, elle a fini cette reine par accepter de voir d'autres vassaux que nous. On va l'entendre dans le cours de l'émission, Marc-Claude Bomzel. En tout cas, on se pose toujours la question, quand on arrive à un tel parcours qui est le vôtre, est-ce qu'on a une enfance qui vous y prédispose ? Au singe, plus ou moins, parce que c'est pas très facile. Je suis née à Versailles. Moi, j'étais au lycée de jeunes filles de Versailles avec la blouse, et on m'expliquait que j'étais l'élite de la France, etc., etc. De ma génération, il n'y avait pas de femmes. Et quand j'ai dit à la conseillère d'orientation, je veux être vétérinaire, elle m'a répondu, mais madame, mademoiselle, pardon, c'est un métier salissant. Ben, je lui ai dit, tant pis, je le ferai comment? Ma pauvre, c'est à peu près tout ce que j'ai eu, vous voyez. Bon, j'espère que les conseillères d'orientation ont changé. De toute façon, le métier de vétérinaire est devenu très féminin. Hein. Oui, il a beaucoup Mais évolué. En fait, moi, j'avais été élevée dans une enfance naturelle et naturiste. Naturiste au bon sens du terme. C'était pas mon cow-boy chez les nudistes, c'était le côté nature. Mes parents étaient obsédés, particulièrement ma mère, de m'emmener dans la nature. Et nous étions en fusion complète, un peu trop, parce qu'on dormait sans tente, on mangeait au feu de bois, on dormait dans les grottes, on plongeait dans la Marne en mois de février, et moi j'avais un refuge qui était les animaux, un refuge, pas affectif, un refuge parce qu'il y avait du bruit, parce qu'il y avait du mouvement, et j'étais une obsédée de ça, et je ramassais tout. Et je ramenais tout chez moi, au grand joie de mes parents, qui avaient des chouettes qui se promenaient sous le parquet, des hamsters par milliers qui couraient partout, des rats que j'avais ramassés, des corbeaux qui volaient dans la maison, le tout évidemment avec forte salissure, dirons-nous, effectivement, c'était sale. Et puis ils se sont habitués, c'était un choix, ils m'ont laissé faire. Avec une maman institutrice et écologiste, donc, on peut voilà, dire. Voilà, tout à fait. Et votre père ? Enfin, ma mère était fille d'un instituteur, elle était surtout D'accord. naturiste. Mon père était, c'était le paradoxe, il tenait un magasin de sport et il le détestait, le sport. Ce qui n'était d'ailleurs pas vrai, il détestait le vendre à des gens qu'il trouvait déjà trop versaillais, trop bourgeois et pas assez sportifs. Donc, c'était assez complexe, il avait fait des études de droit, il était surtout très amateur de musées. Et il nous emmenait dans tous les musées du monde et pour le reste, quand les gens voulaient acheter des baskets, il leur répondait « Je ne vends pas, c'est un produit américain. » C'est pour vous situer le personnage. Et alors, en 1969, vous intégrez intégré donc l'école vétérinaire de Maison Alfort. Hein, donc oui. Là, voilà, la malgré suprême... la vie de la conseillère. Voilà, j'allais dire suprême consécration. Mais à cette époque-là, quelle était la vision du rapport homme-animal ? Assez brutal. Et particulièrement rural. Il n'était pas question de s'occuper de chats-chiens et encore moins d'animaux exotiques. Et nous avions vraiment, d'abord presque, il y avait évidemment une majorité de garçons, on était une fille pour 10 garçons, et c'était des ruraux, c'est-à-dire que l'animal était une machine à produire. Ce qui s'est accentué, car pensons que maintenant c'est de pire en pire, car c'était encore des gens qui avaient un goût de la paysannerie. Mais malgré tout, l'animal devait se tenir à carreau. Et c'est vrai que très vite j'ai eu de graves problèmes, parce que ça m'a frappé qu'on faisait des césariennes quasiment à vif à cette époque. On faisait juste quelques piqûres quand ça marchait, mmh. et autre genre de choses. Et c'est vrai que j'ai été assez révoltée très vite par la souffrance animale et l'idée qu'on s'en faisait. Et puis 68 est arrivé, et bon, alors, en dehors du fait que j'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai suivi 68 parce que c'était merveilleux, sans trop comprendre, c'était à bas tout ce qui passait, de toute façon. Mais en l'occurrence, ça a commencé à faire une petite prise d'intérêt pour le monde animal. Mais les rapports étaient très très loin. Lorenz, c'est plus tard, hein. L'époque de l'éthologie, c'est 73. Là, c'était encore vraiment l'animal-machine dont on parle toujours avec Descartes. Surtout l'animal à produire et de rente complet. Quant aux chiens et chats, c'était considéré comme futile et sans gros intérêt. Et alors, vous parlez de Lorenz et Konrad Lorenz, hein, le biologiste et zoologiste autrichien, qui fait partie de vos modèles. Quels ont été vos modèles, finalement ? Finalement, c'est assez paradoxal, peu, parce que justement, je ne comprenais pas très bien comment on pouvait traiter ces animaux comme cela. Et il y avait très peu de gens en référence. Peut-être quand même Paul-Émile Victor, les explorateurs, Jane Goodall, Diane Fossey, tous ces gens qui s'approchaient des animaux différemment. Mais nous, en France, on était restés bloqués. Et je n'avais pas l'idée de la paysannerie comme ça. Pour moi, c'était la nature extrême. Et évidemment, ça ne comptait pas du tout à Alfort. Donc j'avais des difficultés parfois. Alors si on vous offre un premier cadeau dans cette émission, Marc-Claude Baumzel, la voix de Konrad Lorenz ou bien celle de Jane Goodall ? Et vous choisissez les deux, non ? Ah, vous voulez les deux ? Oui, allez, alors d'abord Konrad Lorenz, on y va. En vérité, les animaux ne parlent pas. Et la seule espèce d'animaux qui a quelque chose qui ressemble vraiment à la longueur symbolique de l'homme, ce sont les abeilles. Mais dans les autres animaux, toute communication se fait en termes des signaux innés auxquels le confrère de l'espèce répond lui aussi par une réaction innée. Et ce code de signaux est assez facile à apprendre. Alors, si vous vivez avec les oies sauvages pour 3 ou 4 années, jour et nuit, vous parviendrez à comprendre tout ce qu'ils disent. Par exemple, comment dit-on allons-nous en ? Ils font quelque chose comme tout le temps. Voilà un homme qui parlait le langage des oies sauvages, par exemple. Il parlait, Konrad Lorenz, le 21 septembre 1969. C'est une archive retrouvée dans les fonds de l'INA, et donc sur ce langage des animaux. Lorenz a l'avantage que je vous dis, il parle français. Car j'ai un vrai problème avec Jane Goodall, c'est le sol, parce que c'est une femme admirable, mais elle parle anglais. Et c'est une anglaise qui parle anglais. Parce qu'encore un français qui parle anglais, j'y arrive. Mais une anglaise qui parle anglais, bon, elle parle lentement, mais voilà. Donc, mais ils ont les mêmes qualités, enfin, chacun dans leur style, oui. Moi, c'est surtout que Lorenz, compte tenu que j'avais eu beaucoup de corbeaux, beaucoup d'oiseaux, parce que évidemment, il était assez difficile pour moi d'avoir un chimpanzé à la maison, j'ai été beaucoup plus vite éblouie au départ, et elle représentait elle plus l'aventure. Alors l'aventure, on y va tout de suite. Jane Goodall dans l'émission Fréquence Buissonnière sur les chimpanzés en péril, c'était le 23 juin 1990. In addition, mothers are shot so that their infants can be stolen from them. Les mères, aussi le trafic qui prend des proportions effrayantes, on tue les mères, des mères chimpanzées dans les arbres pour récupérer les petits qui sont vendus par des trafiquants, parfois pour servir d'animaux de compagnie et d'autres fois, la plupart du temps, pour aller soit vers des en captivité, très souvent pour la recherche médicale. This is not only very cruel, but it's also very wasteful because we estimate that for every baby. Non seulement c'est quelque chose de terriblement cruel, mais en plus il y a un gâchis monstrueux parce que pour un bébé récupéré pour le trafic, 10 meurent environ. Chimpanzees are far more like Les chimpanzés sont excessivement proches de nous et chaque année nous découvrons encore de nouveaux comportements qui font que la différence se restreint toujours davantage. Jane Goodall, donc cette femme formidable hein, par rapport à la défense des chimpanzés. Et vous êtes vous-même, Marie-Claude Baumzel, présidente, je crois, de l'Institut Jane Goodall France. Voilà. Tout à fait. Oui. C'est une femme admirable. Exact. Elle fait un gros boulot. Bon, maintenant, elle est très fatiguée. Elle arrive à avoir 80 ans et de se promener beaucoup, beaucoup, car elle veut surtout pouvoir en parler. Elle a raison. Alors finalement, vous, dans votre parcours, après l'école vétérinaire de Maison-Alfort, le milieu canin ou rural, enfin bon, c'est pas trop votre truc, on peut dire, et vous décidez de... J'ai fait quand même. J'ai fait pas mal de rural. Oui. Mais finalement, vous dites, l'aventure est donc la Centrafrique de Bokassa avec votre mari coopérant. Voilà, tout à fait. Bon, j'avais donc fait un petit peu de rural. La canine, j'avais un vrai problème. Je pleure très facilement. Donc, quand on me disait quelque chose, je pleurais avec le client. C'était pas très bien perçu, vous voyez. Donc, effectivement, enfin, j'ai pu avoir la chance d'avoir l'exotisme, croyais-je, pour... Je suis donc partie en Afrique, où bien entendu, dans ma petite tête, tout le monde allait me saluer, me dire bonjour, ce serait merveilleux, les lions viendraient, les gazelles, tout ça. J'ai dû marcher 5, 6, 7 heures en brousse et voir très vaguement, de très très loin, un singe, encore je ne suis pas bien sûre, faire bouger une branche. Et j'ai surtout travaillé avec les bœufs Watusi, les Bororo, qui étaient des peuplades merveilleuses. Bon, dans beaucoup de difficultés, parce que c'était l'époque Bokassa, époque célèbre s'il en fut, un pays extrêmement pauvre et qui le prouve maintenant. Donc, mon idée fixe de voir des animaux sauvages, j'ai pas vraiment réalisé ce rêve à ce moment-là. Et par contre, finalement, vous allez le réaliser en revenant en France. Alors d'abord à Vincennes, hein, et puis bien c'est l'aventure de la ménagerie du muséum, où là vous allez diriger la ménagerie de 1980 à 1989, puis de 2001 à 2004, c'est voilà, ça? Voilà, enfin, en fait c'est très compliqué, c'est des affaires administratives. Oui. Je l'ai dirigé près de 20 ans avec des oscillations... Voilà, c'est enfin zoo de Vincennes, ménagerie du jardin des plantes, ce sont les deux zoos du muséum, c'est la même maison, mais j'étais, c'est vrai, plus touchée moi par la ménagerie du jardin des plantes qui a un côté un peu Marie-Antoinette. Et c'était mon rêve versaillais qui revenait. Et oui, il y avait beaucoup à faire. Alors pour en prendre la mesure, on va écouter à nouveau le soigneur Gérard Dousseau au micro de Céline Duchesnay qui nous parle justement de tous ces aménagements nécessaires. Quand Marie-Claude, qui était directrice de la ménagerie, a pris une vétérinaire qu'elle a chargée de mettre en place les premiers programmes d'enrichissement sur les ours, les singes, les fauves, elle m'a demandé aussi de travailler avec cette personne pour faire évoluer ce projet. Et on a fait ensemble avec cette personne l'aménagement des fosses aux ours jusqu'à leur disparition. Les enlever pour les faire partir ailleurs, pour réaménager les fosses pour d'autres animaux. On a fait évoluer la présentation des félins à la ménagerie, où on a fait les plantations, des cages complètement nues en ciment, nettoyées tous les jours. On est passé à un petit bout de nature dans lequel les fauves peuvent vivre plus normalement, gratter, avoir un substrat naturel, des arbres pour grimper, y compris la possibilité de se soustraire à l'œil humain qui les regarde en permanence. Donc ça, pour moi, c'est quand même une évolution hyper importante. Et Marie-Claude, donc, je trouve, a été à l'initiative de cette évolution qui s'est passée dans tous les zoos. Alors, on peut peut-être rappeler, hein, effectivement, les principes des zoos à l'époque, c'était quoi? C'était de constituer des collections, des échantillons d'animaux. Ça, c'était à l'origine, en 1794, le but. Et courant 19e siècle, et finalement, c'était plus un lieu, quoi, récréatif pour le public. Hein, c'était ça? Non, c'était un lieu de recherche au départ, comme vous l'avez justement dit. Oui. Et l'idée était de ramener les animaux des collections et des échantillonnages pour les connaître. Mmh. Ce fait que ces animaux arrivaient de la nature et étaient projetés dans un milieu très carcéral. Très très fermé, et puis d'ailleurs certains mouraient. On en ramenait d'autres avec des marchands, c'était terrifiant, absolument terrifiant. Et ma génération, Gérard est gentil de le dire, mais toute ma génération, nous avons progressé avec Jean-Luc Berthier, avec Gérard Dousseau, avec Karine Alves, cette jeune fille dont il parle, car il est normal de la nommer. Nous avons tout doucement fait que ces animaux puissent vivre en société pour ceux qui étaient sociaux, pouvoir effectivement se cacher du public, avoir énormément de végétation, les nourrir plusieurs fois par jour, les occuper, faire des piscines quand c'était nécessaire, manquera toujours à la ménagerie du Jardin des Plantes, bien sûr, la place. Alors nous avons diminué les animaux de forte taille. Adieu les éléphants, adieu les lions, les tigres qui marchent, adieu les ours, ce qui a été très difficile, car c'est le paradoxe du public. Il veut voir son livre d'images, quoi qu'il arrive, et après il sort en disant « Pauvres bêtes, quand même, elles sont tristes derrière ces grillages. » Et si vous mettez des animaux de petite taille, ils disent « C'est pas intéressant. Il n'y a pas le Big Five, lion, panthère, etc. » C'est très très difficile à faire et à faire admettre. Et là, je les remercie tant Gérard que Karine et même Jean-Luc, qui était comme moi, un peu plus dubitatif, dirons-nous non, mais pas aussi nerveux. Ils ont fait ça au forcing en disant « il faut le faire » et les animaux s'en sont d'ailleurs tout de suite beaucoup mieux portés. On a vu très nettement changer les comportements. On avait des animaux qui se mordaient, on avait des animaux qui avaient vraiment des stéréotypies. Tout ça a disparu complètement. Ils ont donc vraiment une possibilité. Beaucoup, surtout, sont nés maintenant en zoo. Dans les zoos, 99% des animaux sont nés en parc zoologique. C'est plutôt leur devenir qui est problématique maintenant, car nous en avons beaucoup trop. Et le problème maintenant pour nous, c'est de stocker en somme au mieux ces animaux. D'où les plans de conservation, d'élevage, dont je suppose on va peut-être parler, oui. On va parler après, qui ont permis aux zoos de s'organiser. Et nous avons parallèlement créé l'association des parcs zoologiques européens. Il y avait déjà des essais en France, nous n'étions pas les seuls, mais après on a été en Europe et les échanges se sont mis, on a identifié les animaux par puce, on a pu les observer, tout a été ensuite, l'informatique nous a aidés comme dans n'importe quelle science. Créé en 1998 d'ailleurs, il faut le rappeler, et qui rassemble quand même 300 membres répartis dans 34 pays, c'est quand même une belle institution. On l'a même commencé, là, Jean-Luc Berthier et moi-même, dans les années 70 et tout, où nous partions, d'ailleurs, toujours service public français, dans les endroits minables, parce qu'on n'avait jamais de frais de mission, vous connaissez le problème des... en train 3e classe, et on voyait déjà des confrères de zoo privé arriver très richement, et on disait, on attend Paris, c'était nous, dans nos bus chaotiques. Mais ça nous permettait de voir les gens et de voir toutes sortes de petits zoos le long qui, dans le fond, nous rassuraient un peu, ce qui n'était pas forcément bon signe. Les zoos des pays de l'Est, à cette époque-là, il y en avait encore qui étaient encore pires que nous. Car faut pas oublier que la ménagerie n'était pas terrible, mais cette époque-là, heureusement, est révolue partout, sincèrement. Je suis comme tout le monde. J'ai dû arriver dans les zoos par hasard. Je ne suis pas une fanatique des zoos, mais je sais l'énorme, énorme progrès qu'ils ont fait. Pour nous, c'est un plus énorme. Et en tout cas, vous êtes arrivé à un moment où, effectivement, tout était en ébullition, il y avait tout à faire. C'est vraiment cette évolution des zoos, ce bien-être animal dont vous aviez conscience, mais dont on parlait pas encore. De la même façon qu'aujourd'hui, on parle des vétérinaires comportementalistes. Vous l'étiez avant l'heure, on peut le dire. Et puis surtout, ce qu'il faut donner à entendre, c'est cette variété des tâches. Un vétérinaire, il doit savoir faire la chirurgie, médecine générale, la prophylaxie, dentisterie, ophtalmologie, dermatologie. Et donc, vous allez vous former, décrocher de nombreux diplômes. J'ai noté en biologie, psychologie, prophylaxie, donc écologie, éthologie, donc la science du comportement animal. Donc tout ça, bien évidemment, on ne se rend pas compte forcément que derrière ce mot vétérinaire, il y a ce monde du possible et puis cet incroyable univers. Surtout nous, particulièrement, par on va de la puce à l'éléphant, comme on dit en général. Donc c'est énorme, effectivement. Alors il y a aussi l'anatomie qu'on ne connaît pas, la physiologie. Bon, tout ça maintenant est identifié, mais on n'avait rien. On cherchait désespérément des données. Car quand vous opérez un serpent, c'est pas tout à fait la même chose qu'un fauve. Un fauve, encore, vous avez référence à un chat. Mais c'est vrai que ça a été une tâche énorme. Et puis parallèlement, nous avons géré ce qu'on appelle la collection. Ça, Jean-Luc Berthier l'a plus fait encore que moi. Il a fait tout ce qui était informatisation de la collection, avec la taxonomie, reconnaître les animaux et tout. Autre problème, le public. Car le public voit un laboratoire de recherche en totale ébullition continuellement, plus tous les travaux qui accompagnent, c'est-à-dire changer les lieux. À partir du moment où vous faites des groupes, où vous végétalisez, où vous faites des caches, il faut quand même aussi voir s'arranger pour que le public voit certains endroits que d'autres ils ne les voient pas. Il faut savoir creuser les piscines, le mettre au bon endroit, étudier. Ça a été vraiment un boulot 24 heures sur 24. Mais enfin bon, c'est mais voilà, merveilleux, donc, on va pas râler. Non, bien sûr, et en même temps, c'est se dire que effectivement, pour le public, c'était passer du zoo, comme je disais, récréatif au zoo éducatif, et donc il y avait aussi tout ce pan dont il fallait tenir compte pour vous dans ces modifications. Je vous propose justement, parce que vous l'évoquiez, qui est Jean-Luc Berthier, le vétérinaire, je vous propose de le retrouver tout de suite pour évoquer cette mutation dans la profession, la transformation de la science des vétérinaires. Moi, je suis arrivé à une période où on a un peu arrêté, et tant mieux, c'était une décision générale dans les zoos d'ailleurs, ce qu'on appelle les élevages à la main, d'élever les petits animaux. Et Marie-Claude a élevé beaucoup d'animaux comme ça. Moi, quand je suis arrivé, on avait décidé en gros d'arrêter. Quand vous dites élevé à la main, c'est que l'être humain élevé artificiellement, oui, quand la mère n'élève pas. Ou on décide que la mère n'élève pas bien, en tout cas. C'est-à-dire qu'on est passé de l'animal individuel, auquel on s'attachait, le petit animal qu'on élève à la main, ou l'animal avec un prénom. Bon, c'est classique que les soigneurs, on a l'habitude de ça pour un certain nombre d'espèces, de donner des noms, mais ça individualise l'animal. Alors, ce qui est important, c'est de faire de l'élevage d'un groupe, d'une famille, ça dépend du mode social. Et ça, c'est vraiment essentiel. On est complètement passé à ça, on est plus un élevage qu'autre chose. Pour arriver à avoir des populations d'une espèce sur une région, par exemple l'Europe, entre divers zoos, qui soient des populations suffisantes et autosuffisantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas à aller chercher des animaux dans la nature. Et ces populations, pour un grand nombre d'espèces qui sont menacées, le but, c'est de dire, bon, on a des populations réservoirs de conservation qui peuvent servir à des réintroductions ou des renforcements de populations sur le terrain. Mais là, il y a une vraie bascule et on s'aperçoit que les zoos peuvent avoir un rôle et ont un rôle essentiel, à la fois pratiquement en fournissant quelques animaux, mais ça c'est une petite partie seulement, mais en sensibilisant à la fois la population. En général, c'est 700 millions de visiteurs par an dans les zoos. C'est quand même une personne sur 10 sur la planète. C'est une chambre d'écho incroyable. France Culture, la marche des sciences. Aurélie Luneau. Marie-Claude Bomzel, effectivement, 700 millions de visiteurs. Oui, c'est énorme. C'est un lieu culturel, comme on dit, éducatif, énorme. Malencontreusement fort oublié, car nous râlons toujours, particulièrement au muséum, des pouvoirs publics. On mettrait plus d'argent sur la culture, l'opéra et tout, que cela qui est vraiment essentiel et qui reste un lieu vraiment de nature pour les enfants. Même s'il y a les grilles, même si c'est tout ça. Bon, moi, j'ai la chance, mes petits-enfants y vont, ils poussent des hurlements de joie. Et ne le dites pas à Jean-Luc, je donne les petits noms. Parce qu'il y a toujours des Vous continuez noms. À le faire. Mais bien sûr, mais moi, parce ben que oui. Le soigneur arrive, il me dit, ah, ma Georgette ou ma Fernande, alors j'apprends à savoir. Non, les noms restent à l'intérieur du zoo, c'est logique. On a tous quand même un affectif. Jean-Luc a parfaitement raison. Tout est codé, nous avons des trucs. Et mais pour les gros, bon, puis moi, qu'est-ce que vous voulez, j'avais ma nénette, j'avais Freda le tigre, j'en avais beaucoup, beaucoup. Ah oui, donc... Vous en avez élevé, hein, des tigres, des singes, des ours. Mais il ne fallait pas, car c'est vrai que c'est terrifiant pour eux. Ensuite, ils rentrent dans un monde où ils ne comprennent pas leurs congénères. Il ne faut jamais prendre des animaux sauvages. Nous, encore, on pouvait essayer de les rentrer et de les protéger. Mais pour tous ces animaux sauvages actuellement élevés à la main, c'est une catastrophe. Et c'est ce vers quoi on retourne de plus en plus, parce que les médias montrent ça. Or, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, même si tout le monde en a envie. Vous allez me dire, je l'ai fait, maintenant je peux dire aux autres, ne le faites pas. Mais c'est comme ça, il faut bien que là, je me donne des privilège quand même. Hein. Le privilège de l'expérience. Voilà. Alors, votre univers artistique, musical ou vos autres passions? Allez, on s'éloigne un petit peu du monde vétérinaire. En même temps, je sais qu'il occupe 99% de votre vie. Musical, soyons honnêtes, j'ai été élevée, moi, à Brel, Brassens, les chansons classiques, bien. J'ai peu le sens de la musique. Je crois que c'est dû à de l'audition, car on m'a toujours dit que j'entendais plus souvent les animaux. Je dois être dans une autre gamme de sons que la musique ou autre genre de choses. C'est plus la peinture, grâce à mon père, j'ai eu une grande culture surréaliste. En plus, étant élevé à Versailles, j'ai une grande passion pour les châteaux, pour l'or, la brillance. La Renaissance, je suis un peu plus perdue, mais j'ai la chance maintenant d'aller souvent vers Chambord et tout. Donc, j'ai appris aussi là-dessus. Ce sont des choses qui me passionnent effectivement beaucoup. Et la peinture, parce qu'on peut peut-être le dire, je crois qu'à cause d'un grand-père paternel, c'est ça? Voilà, un grand-père paternel qui était très proche d'André Breton et autres spécialistes du surréalisme. Un homme d'ailleurs dont je ne garde pas un souvenir ému, car il était assez braque. Mais bon, c'était une chance pour moi. Je voyais énormément de gens, surtout les peintures de ces gens. Bon, ces gens, j'étais trop jeune, mais j'ai vu beaucoup de peintures grâce à ça. Bon, en tout cas, votre monde, c'est vraiment celui des animaux. Alors, je vous propose, à ce stade de l'émission, mais de repartir un petit peu dans l'univers, l'ambiance. Et là, on va investir avec Gérard Dousseau la vallée des rapaces. Donc là, on est où exactement? On est dans la vallée des rapaces, qu'on appelle. Là, dans cette allée-là, il y a principalement que les vautours palmistes qui vocalisent assez souvent. Tu viens me voir? Allez, viens. C'est toi, tu m'attaques pas, mon loulou, d'accord? Tu me le fais très mal quand tu m'attaques. Par contre, tu vas crier ou pas? Hein? T'es gentil? T'es gentil, moi? Non, tu me bêtes pas. Allez, arrête! Alors, ça ressemble à un serpentaire. Mais ça n'en est pas un. C'est un Kariama huppé. C'est une sorte de grand échassier. Et effectivement, il a un son bien particulier. Là, on est devant les flamants roses. Notre beau troupeau de flamants rouges, même. Là, on est en pleine période de reproduction et de parade. Donc les flamands s'ébouriffent leurs plumes, etc. Et puis ça vocalise beaucoup. Quel bel univers! Et c'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture en compagnie du docteur Marie-Claude Baumzel, vétérinaire de la ménagerie du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Personnalité qui a conquis le monde animal et le public aussi, et qui nous livre un vrai message et des réflexions sur nos rapports hommes-animaux et sur l'avenir des parcs, des zoos et autres centres de conservation des espèces. Une émission émaillée de reportages proposés par Céline Duchesnay et réalisée auprès de proches de notre invité pour mieux nous faire entrer dans son monde, son parcours, ses combats et ses réflexions. Alors, on n'en a pas fini avec vous, hein, Marie-Claude Baumzel, ces univers que vous aimez particulièrement, mais c'est vrai qu'on peut dire que votre préféré, c'est la singerie quand même, non ? Construite en 1934. Voilà, c'est pas le plus beau bâtiment, et paradoxalement, non, j'aime Nénette, je reconnais, parce que c'est une vieille copine, hein. On a eu des enfants ensemble, enfin pas ensemble, oui, mais voilà, on en même compris. Temps, etc, etc. Non, personnellement, j'aime surtout les cabiais. Les gros rongeurs énormes qui ressemblent un peu à des cochons d'Inde et les ours. Mais bon, c'est vrai que là, avec Nénette, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, je suis moins fan d'oiseaux, là, comme le serpentaire, a-t-il dit, vous savez, c'est un oiseau. C'est quoi ça? Ben, c'est un rapace qui a l'intelligence, si je puis dire, de sembler plutôt un héron. Mais bon. Et bon, je suis moins touchelée par ça parce que je suis une tactile et que j'aime les animaux comme ça. J'aime assez les bovins aussi. Non, finalement, sincèrement, j'ai pas de préférence. J'aime vraiment tous les animaux. J'en arrive même maintenant à refuser d'écraser une fourmi. On m'engueule, il n'y a pas d'autre mot et tout. Je hurle si on s'approche des abeilles et autres genres, même les bourdons. On m'appelle Mamie Mouche parce que je protège. Un jour, mon petit-fils me dit, mais pourquoi tu laisses les mouches? Je dis, je suis la reine des mouches. Et alors, il me dit, t'es Mamie Mouche. Donc, j'ai dit, voilà, je suis Mamie Mouche. Préservé. Donc, vous voyez où j'en suis arrivée. Eh oui. Il n'y a que les puces des chats parce que là, mes chats, même n'aime pas beaucoup. Ce sont des rois, eux aussi. Mais vraiment, vous portez haut cette diversité du monde vivant, hein, c'est ça, en fait. Ça doit être ça. Bon, en tout cas, Gérard Dousseau, lui, a choisi, avec Céline Duchesnay, de vous emmener dans cette singerie. Donc, on y retourne avec eux. Voilà, notre vieille singerie, même si c'est un des plus jeunes bâtiments de la ménagerie, dans cette vieille ménagerie de plus de 220 ans. Quand je suis arrivé à la ménagerie, donc, il y a 40 ans passés, on avait encore 38 espèces de ce qu'on appelle les cercopithécidés, c'est-à-dire les singes d'Afrique. On n'avait que deux espèces de singes, les orang-outans et les gibbons, qui étaient asiatiques. Tout le reste était africain. Et on en avait vraiment une collection. Donc petit à petit, on a laissé tomber un certain nombre d'espèces qu'on n'a pas renouvelées pour arriver à une collection aujourd'hui qui est très pauvre, parce qu'on n'a plus que 5 espèces de cercopithèques ou mangabées et les orang-outans. Le public ne vient pas pour découvrir véritablement un animal, pour le voir. Il vient pour le voir vivre. Et la nuance est d'importance. Et donc du coup, nous, on doit leur redonner des possibilités de vivre. Une idée que j'ai à cœur, c'est de dire, quand on a construit ce bâtiment, en fait, on a fait des petites cages pour les singes qui font 4 mètres de haut, alors que ce sont les plus grands arboricoles au monde. Et pour le public au milieu, on a fait une énorme galerie qui fait 12 mètres de haut, qui sert à rien, donc il y a un volume énorme qui sert à rien. Et depuis plus de 30 ans, à chaque fois que je suis dans cette galerie, je dis quelle belle cage ça ferait pour les orang-outans. Alors Marie-Claude Bomzel, est-ce que c'est pas justement le moment de lancer cet appel là? Allons-y, il faut sensibiliser les hautes autorités. Et bien alors cette galerie qui serait formidable pour les singes. J'ai l'impression, ça fait tant d'années qu'on le demande, tant d'années. Vous savez, pour mais nous, là on le demande vraiment... devant tous les auditeurs, donc ils sont obligés de réagir quand même. Espérons, je n'y crois guère. Ou alors vraiment ce serait un cadeau de retraite future avec Nénette. Nous... J'ai la mimine dans la mimine, voir ça avec elle, je la lâcherai exceptionnellement. On a fait des plans merveilleux, tant Gérard mais que oui. Tout ça, c'est un truc de fou. C'est 1930, on a rénové Vincennes parce qu'il était 1930 et que c'était le pouvoir de l'homme à cette époque. Hein. C'était l'exposition coloniale et tout. Fallait que ce soit bien montré et tout. Et nous, on demande juste la singerie qui est de la même époque, qui effectivement est complètement idiote avec cette galerie grandiose pour montrer à quel point c'était magnifique. Bah, parce qu'il y avait des plantes, on faisait c'était la luxuriance, c'était le bâtiment, l'aspect lourd. Et les bêtes étaient jetées dans les cages encore en 30. Hein. Faut pas oublier ça. Et puis on n'a jamais pu... On a agrandi les cages, heureusement, et tout. On en a fait d'extérieur, mais on a demandé à incorporer un arbre, à avoir un minimum de travaux. Nous n'avons jamais rien obtenu. Au contraire, on reverse beaucoup d'argent, même au muséum. Maintenant, ça s'est équilibré. C'est invraisemblable quand on pense au nombre de millions de visiteurs et de visiteurs qui ont besoin d'avoir accès à la nature et tout, qu'on oublie à ce point-là les parcs zoologiques nationaux, entre autres, même les parcs zoologiques en général. Oui, lançons un appel, je n'y crois pas. Silence assourdissant, mes appels. Mais je le lance une fois de plus, on ne sait jamais. Mais on sait-on jamais, même si on sait qu'effectivement l'argent est le nerf de la guerre, mais appel, pourquoi pas à un mécène, il y en a aujourd'hui. Donc voilà, on le lance cet appel. Concrètement, qu'est-ce que les animaux vous ont enseigné, vous ont apporté, Marc-Claude Bomzel? Alors, il est classique de vous dire tout, non. Ça dépend des animaux, j'allais dire. Donc on a dit avec Nénette, la patience, indiscutablement... La grande intelligence des oiseaux, pour moi, vous voyez, je n'aime pas les oiseaux, mais je suis toujours... J'avais déjà été frappée avec les corbeaux, de leur façon de nous observer, de faire toutes sortes de cachettes, avoir une mémoire ponctuée de différents objets qu'il allait cacher et tout. Donc, l'observation avant d'agir, parce que finalement, c'est peut-être nous qui agissons plus précipitamment que certains animaux, comme les oiseaux. Finalement aussi l'approche, j'étais pas une fan des reptiles, la douceur du velouté de la peau des reptiles, tout ça vous a, ça touche vraiment vos sens et à travers eux vous voyez après leur intelligence. Vous devenez très humble quand vous connaissez les animaux. Donc on apprend énormément à leur contact en les observant et une grande humilité devant eux. Et en plus vous nous avez montré dans différents de vos ouvrages, dans différents ouvrages Marc-Claude Bomzel, notamment par exemple leur sixième sens. Hein, je pense à ce livre-là, dont c'est le titre, chez Michel Lafond. Et tout ce qu'on perçoit en les observant, vous nous montrez aussi que ce sont de formidables alerteurs. C'est-à-dire quand il y a des catastrophes, des tsunamis, les animaux, le centre, réagissent et réagissent bien évidemment pour sauver leur peau, hein, avant que l'homme ne réagisse à la catastrophe qui arrive. Voilà, ça a été très montré effectivement à l'époque du grand tsunami. On a parlé beaucoup des éléphants, mais il y avait eu des alertes d'oiseaux, il y avait eu des animaux qui étaient sortis lors du début du séisme, etc. etc. Et simplement, on ne sait pas les observer. D'ailleurs, il a été dit que beaucoup d'Occidentaux sont morts en plus grand nombre que les locaux, parce que les locaux ont vu les animaux et beaucoup ont reculé. Les Occidentaux, ils ont vu cette grande vague, c'était beau, ils étaient en vacances, et ils ont sûrement fait la grande photo, vous savez. Ils ne savent plus, on n'a plus du tout le goût de la nature et toute la préséance des animaux. Alors, on nous dit, attendez, c'est pas eux qui vont tout faire découvrir. Non, mais ce sont des alertes. Et surtout, apprendre à regarder. Moi, j'essaye d'expliquer ça à mes petits-enfants, c'est pas toujours facile, parce que eux aussi ont les connaissances. En plus, à l'école, on n'a plus de leçons de naturel, ça fait ridicule, les sciences nat d'autrefois, mais il n'y a plus ces sorties-là, toujours la sécurité, puis même, c'est pas là-dessus qu'on les emmènera. Alors en tout cas, dans les parcs aujourd'hui, on essaye de penser ce bien-être animal, et puis donc l'enrichissement de milieu, hein, en donnant aux animaux la possibilité de s'occuper, de jouer, et donc... Le training. Alors le training, Céline Duchesnay en a fait l'expérience. On en reparle juste après ce reportage qu'elle a réalisé avec Christophe Bazin et Tamou. Oui. Oh, c'est moi. D'accord. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire, Christophe? Alors, une séance de training, un entraînement vétérinaire, qui consiste à leur demander de nous montrer différentes parties de leur corps à travers le grillage. Ce qui nous permet de contrôler leur état de santé au quotidien et ça nous permet d'intervenir sur le petit bobo sans avoir à les anesthésier. Et donc, qui est-ce que vous avez en face de vous? Alors là, c'est Tamou, donc une petite femelle orang-outan de 10 ans. C'est la fille de Théodora, qui a 27 ans aujourd'hui, d'ailleurs, c'est son anniversaire. Et donc, voilà, donc elle est prête à travailler, là. On va la récompenser avec un peu de papaye sèche, pour la motiver un petit peu. Tamou la bouche? Ouais. Tamou la tête? Ouais. Tamou le pied? C'est bien, Tamou. Le genou? Le téton? Le nez? Ton oreille? La langue? C'est bien, Tamou. Quand je lui demande l'oreille, en fait, ça a pour but de pouvoir lui prendre la température de cette manière. Quand on lui demande d'ouvrir la bouche de manière à... Ça nous permet de contrôler leur dentition. Sinon, voilà, je lui demande de me montrer son œil, de manière à ce que je puisse le voir de plus près et pouvoir le toucher. Le nez également, ça nous permet de faire des écouvillonnages. On peut mettre un coton-tige dans les narines. C'est bien, la belle. On peut lui demander l'épaule également. C'est ce qui nous sert à les anesthésier en cas de besoin. On les pique directement dans l'épaule à travers la grille. Ce qui cause beaucoup moins de stress que d'intervenir avec une sarbacane ou un fusil hypodermique. On a juste à leur demander de nous présenter l'épaule comme ils le font tous les soirs. On les pique, ils s'endorment et tout se passe au mieux. T'as mou le ventre? Alors le ventre, ça nous permet quand les femelles sont gestantes de contrôler une éventuelle gestation, donc oui. Vous lui touchez le ventre? Là, je lui touche le ventre. Et maintenant, on peut pratiquer une échographie. Et le petit clic sert à quoi? Alors c'est un renforcement positif, c'est pour lui faire comprendre que c'est effectivement le mouvement qu'on attendait d'elle. Donc c'est lié... Elle s'impatiente un peu, je m'occupe plus d'elle, donc du coup elle se manifeste par de petits crachats. Elle demande beaucoup d'attention. Et notamment Théodora, là, qui a 27 ans, qui a beaucoup de caractère. Théo, tais-toi, va t'aider. Elle m'aime pas. Qui a énormément de caractère. Et, mais elle est jalouse, là, quand même. Et c'est ça, elle est assez jalouse quand il y a donc, une femme à mes côtés. C'est quelque chose qu'elle l'accepte difficilement. Il faut préciser, c'est vrai qu'on en rit dans le studio, mais Céline Duchesnay a essuyé de nombreux crachats, effectivement, elle a été l'objet de cette jalousie. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a toute cette sensibilité, ces réactions, c'est une protoculture hein, des animaux. Ah oui, c'est impressionnant, hein, tout ce qu'ils peuvent apprendre. Alors, la grande discussion a été au niveau du training au départ. Vous voyez, ma génération ne connaissait pas, c'était notre idée, on va les remettre dans la nature. À partir du moment où on les approche, il y a un risque. Mais nous savons désormais, grâce au plan d'élevage, que certains pourront repartir, d'autres pas. Or, en l'occurrence, ces deux femelles, nous savons qu'elles seront amenées à rester dans des parcs zoologiques, seules leurs descendants entreront. Donc, on a accepté. Et on a vu avec stupéfaction tout ce qu'elle savait faire avec très peu de... Bon, au début, il y a un petit bonbon ou une petite récompense, mais après, elles le font même par jeu. Elles vont chercher les choses et elles apprennent. Et ça occupe énormément les animaux. Et c'est effectivement infiniment mieux. Moi, j'étais toujours le genre d'actari avec mon fusil. Ça plaît beaucoup au public, hein, ça. Alors, vous avez un succès absolument immédiat. Mais pour l'animal, c'est une terreur. Ils enregistrent parce que ils voient l'animal tomber et là, ils ne situent pas que l'animal s'endort. Il y a une vraie peur. Donc le fusil, ça signifie on tire. Et parfois même, certains ont connu le fusil, ils ont entendu la chasse quand ils venaient de la nature. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Bien sûr. Alors être à l'écoute des animaux, on l'a compris, ça vous a fait évoluer. Est-ce qu'il y a un moment fort, vraiment, qui reste à jamais dans votre parcours, ou des rencontres avec des animaux qui marquent un temps dans cette vie? Je crois quand même que c'est le premier bébé de Nénette. Ça fait un peu ridicule que de dire ça, mais c'est une évidence. D'abord parce que nous n'avions pas idée qu'elle était gestante. Elle a toujours été un peu rondelette. Et que la première fois qu'on a vu apparaître ce bébé dans ses bras, dans le fond, on tombait des nues, nous aussi, elle l'a pris avec une telle tendresse. Elle l'embrassait, elle le sentait, elle le mettait sur elle. C'était vraiment un spectacle extraordinaire. Donc finalement, une sensibilité, une émotion, pas facile en éthologie, hein, d'ailleurs, de faire accepter ces mots-là. C'est très difficile, de toute façon encore plus la primatologie. Moi, je ne targue pas, je suis une éthologiste de terrain local, artificiel, si vous voulez, en milieu artificiel. Donc je ne fais pas de l'éthologie pure et dure, parce que sinon vous n'êtes pas crédible. Particulièrement en primatologie, où on vous dit tout de suite, alors surtout les femmes, de la niaiserie et tout, Jane Goodall vous en parlerait, ça a été ses gros problèmes au début. C'est difficile de se départir de votre aspect humain et de l'aspect scientifique. Il faut renouveler, il faut éliminer les anecdotes, vous avez peur d'être trop... C'est une chasse, c'est encore plus difficile qu'une autre, car il faut prouver encore plus. Bon, maintenant, on accepte petit à petit un retour à... Parce qu'on a peu de données sur beaucoup d'animaux, à la fameuse anecdote, à la fameuse exception qui se trouvera confirmée. Puis en plus, ça, c'est quand même la chance de l'informatique et tout. Nous avons des données regroupées de plus en plus dans les zoos où nous voyons apparaître tout cela. Mais c'est très difficile, effectivement, de se départir de cela. En tout cas, une vie animale que vous avez eu à cœur de transmettre aussi. Alors, dans des livres jeunesse, hein, et dans lesquels d'ailleurs vous êtes personnage de bande dessinée pour enfants. Je pense notamment au livre L'histoire vraie de Kiki la tortue géante et puis L'histoire vraie de Ralphone l'orang-outan, voilà, par Julie Folk et Fred Bernard. Mais le dernier aussi, Le tour du monde des animaux, hein, paru chez Rue des Enfants. Mais à vos enfants, alors, qu'est-ce que vous avez transmis? Et à votre petite fille, peut-être, on va entendre justement votre fille Constance, en compagnie de votre petite fille Adèle, et on va comprendre très vite que c'était presque une vie d'arche de Noé. Mon frère et moi, on était gardés par une dame qui s'appelle Gisèle Marjari, qui était mariée à un soigneur et donc qui avait un logement de fonction au-dessus de la Fauverie. Et en fait, elle gardait les enfants des gens qui travaillaient au zoo. Voilà. On devait être 4-5 enfants et puis quelques bébés animaux. Aussi, et c'était une sorte d'arche de Noé, un peu magique. Il y avait des bébés singes, il y a eu un bébé tigre, il y a eu un bébé ours, il y avait une perruche qui était, elle, pour le coup, à l'année, chez Gisèle. Et voilà, j'ai des photos là, Adèle, si tu veux voir, tu les as peut-être déjà vues. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo ? Des enfants avec le bébé tigre. Je sais pas si c'est en peluche ou si c'est en vrai. On était tous à jouer par terre au Playmobil et le petit tigre passait au milieu. Et de temps en temps, on avait le plaisir aussi de donner le biberon. Vraiment une enfance assez heureuse. Et ça avait l'avantage que ma mère pouvait nous rendre visite plusieurs fois dans la journée, enfin qu'on n'était pas loin en fait, en plus d'être agréable. Après, ma mère a toujours été très vigilante, et elle est très attentive à ça, à ce qu'il n'y ait pas d'anthropomorphisme ou de traiter les animaux comme des jouets ou des peluches. Enfin, on nous enseignait aussi beaucoup à respecter leur comportement et leurs réflexes. Il ne s'agissait pas de tout mélanger non plus. On était mélangés dans l'espace, mais on nous éduquait aussi par rapport aux animaux et aux choses à ne pas faire et à respecter chez eux. Oui, oui, j'étais finalement une mère un peu sévère, vous avez vu, on avait l'impression. Oui, parce que, bon, c'était pas simple pour eux non plus, il y avait un mélange de tout, parce qu'en plus, ils sortaient après le soir jouer autour des cages à l'époque, en plus, où bon, nous allions. Et puis, c'est vrai que, bon, ils avaient tendance à les attraper, à courir avec. Moi, je me souviens, chez Gisèle, c'était merveilleux. On arrivait, il y avait le tigre d'un côté, le jaguar de l'autre, la perruche dont parle Constance, l'invraisemblable perruche cocotte, qui en plus aimait à boire un petit coup, parce qu'elle ne savait pas quand on prenait l'apéritif, et qui n'en était que plus désagréable. Elle avait le vin mauvais, en plus. Elle ne souhaitait que rester auprès de Gisèle, et quand les enfants s'approchaient, elle les pinçait. Alors, donc, on leur apprenait plus un petit coup de griffe et tout, et puis je voulais vraiment qu'elle voie que c'était quand même pas... Parce que elle a eu, d'ailleurs, je pense, un peu ce côté, de même que moi, je n'osais pas dire quand j'étais enfant que j'étais naturiste, dire que je me promenais dans la nature, vous voyez, j'inventais des choses. Constance n'osait pas tellement dire aux copains, j'ai un tigre et un jaguar et trois léopards à la maison. Ça la gênait. Vous avez vu, elle a une petite réserve. Oui. Parce qu'elle était habituée c'était n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Et de ce fait, elle a toujours pas osé trop le dire. Ça me fait rire parce que je la sens un petit peu. Même aujourd'hui encore, hein. Oui. Mais en tout cas, vous les avez éduqués, les enfants, à respecter les animaux. Et j'ai relevé cette belle phrase, hein, d'Antoine de Saint-Exupéry que vous avez placée au début d'un roman que vous avez écrit, Félie vétérinaire, pour mieux faire découvrir le métier. On vous y retrouve, hein, d'ailleurs, je trouve, au fil des pages. Et cette phrase, c'est la suivante. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Malheureusement, nous ne leur laisserons pas une aussi jolie planète, nous le savons. Bon, moi, je l'ai aussi, on en parle tellement que c'est devenu un peu tarte à la crème. On a l'impression que des gens comme moi vont sauver quelque chose. Non, ni Jane, d'ailleurs, ni quoi que ce soit. On a l'impression vraiment qu'il n'y a plus rien à faire. Vous remarquerez qu'on parle beaucoup toujours du climat, on parle très peu de la biodiversité. Et quand vous interrogez des élus et que vous leur dites « Pourquoi vous ne parlez jamais des animaux au départ ? Ça sensibiliserait le public. » Ils ont un mépris. Vous savez, en France, pour ça, c'est de la sensiblerie, l'animal. L'art, la culture, les châteaux, pourtant Dieu sait que j'aime. Hein. Mais l'animal, ces chats chiens, c'est de la sensiblerie. Y compris, d'ailleurs, de plus en plus dans les médias. Seul compte le chat, le chien. Mon chat, mon chien, mon vétérinaire, mon dentiste, mais je ne sais pas quoi, je ne dirais pas de dire chose plus grossière. Même si l'évolution de la loi, ces derniers temps, a permis au moins de sortir l'animal du domaine du meuble, hein, en tout cas. Mais bon, c'est une petite avancée. Entre nous soit dit, c'est une minuscule avancée. Qu'on a vite bloqué. En fait, on a fait semblant d'avancer. Nous sommes très en retard encore en Europe. Parce que finalement, on a peur du problème des animaux dits de rente, c'est-à-dire ces animaux qu'on tue pour la boucherie, pour nous nourrir. Et voilà. Exactement. Et on en parlait. Cette paysannerie qui était rude est devenue pire à mes yeux, car elle est devenue totalement insensible. Et plus la mort de plus en plus rapide, sans anesthésie, etc., etc. C'est un véritable scandale. Moi, je suis devenue végétarienne, comme beaucoup de gens, ou au moins diminuer la viande. Je ne suis pas une obsédée, ça ne me gêne pas. Mais ce serait tellement plus facile. La richesse, elle n'est pas là. Hein. La richesse, elle est dans la nature. Et cette biodiversité, en tout cas, on peut souligner tout le travail qui est fait par le muséum sur ce terrain-là, quand même, depuis des années. Et donner juste ce chiffre qui peut nous interpeller. Actuellement, la liste rouge de l'Union pour la conservation de la nature et de ses ressources comprend près de 80 000 espèces évaluées, dont plus d'un quart sont menacées d'extinction. Voilà, c'était en tout cas utile à rappeler. Alors, à ce stade de l'émission, on arrive quasiment au terme, Marie-Claude Bomzel, ça va trop vite. Il y a un petit rituel, c'est une question posée par un des intervenants. Alors, c'est Jean-Luc Berthier qui vous la pose. Comment tu vois l'évolution des eaux dans les 20 ans à venir, à partir de maintenant ? Très difficile. D'abord, il le sait, moi je trouve que s'il n'y avait plus de zoo, c'est qu'on aurait réussi. C'est-à-dire qu'il y aurait assez d'animaux dans la nature pour les étudier et tout, et qu'il n'y aurait plus de zoo. Bon, ça, j'ai perdu espoir. Personnellement, Jean-Luc est beaucoup plus optimiste pour une fois que moi. Il pense, et il a raison par contre, que nous avons mis les zoos sur d'excellents rails. Pas moi, la génération, cette génération. À l'inverse, je pense qu'il va y avoir une dérive commerciale. Parce qu'elle est nécessaire, qu'effectivement l'argent appelle l'argent, si je puis dire, et que vous voyez de plus en plus des gens qui veulent des visites nocturnes, dormir avec les animaux, les faire bouger, des spectacles plus souvent. Et moi, je crains un peu cette dérive commerciale. C'est extrêmement difficile. Je connais énormément de grands zoos, que je ne citerai pas pour ne pas gêner quiconque, qui font un énorme boulot en conservation in situ, c'est-à-dire dans le milieu. Mais ils savent que ça n'intéresse pas le public et ils font par ailleurs des choses spectaculaires parce qu'ils sont obligés et que le public ne comprend toujours pas l'intérêt des zoos. Il vient de plus en plus pour un spectacle, un commerce et pour approcher l'animal. L'obsession du selfie, je vous dis, l'obsession d'être moi, vis ma vie, c'est tout, voilà. Je suis donc un tout petit peu plus pessimiste que lui. On peut, nous, se féliciter d'avoir eu l'âge d'or et d'avoir fait un grand bond. Il va falloir en plus gérer les stocks, comme on disait, et ça c'est le plus difficile, car que faire si on stérilise trop d'animaux ? On va perdre de l'instinct maternel, perdre de beaucoup de choses. Que faire des jeunes ? La nature disparaît, on ne peut plus les remettre en nature. Il y a un gros apprentissage, en plus il y a une perte nécessaire et tout. Voilà, donc c'est tout cela qui pose interrogation. Bon, moi j'espère que l'aspect conservation in situ, dans la nature, le petit chaînon que nous sommes, arriveront à le faire comprendre au public. J'ai un peu plus peur que lui, Jean-Luc est plus optimiste. Merci Marie-Claude Bomzel, on retrouvera en tout cas toutes les références pour nos auditeurs de vos livres sur le site de la Marche des Sciences sur franceculture.fr. Je cite le dernier quand même pour les enfants, là, Le Tour du Monde des Animaux, paru chez Rue des Enfants. Et puis merci aussi à Céline Duchesnay, Jean-Luc Berthier, Gérard Dousseau, Christophe Bazin, votre fille Constance de Montois et votre petite fille Adèle. Et alors en guise de générique, on vous a prévu une chanson que vous aimez tout particulièrement. C'est celle-ci. Vous l'écoutez ? Vous allez la reconnaître. C'est la corrida, non ? Oui, c'était une coop. Parce que la corrida voilà, de Francis Cabrel. Voilà. Parce que c'est un grand courage qu'il a eu de montrer le point de vue du taureau. Bien sûr, c'est anthropomorphique, bien sûr, mais n'oublions jamais de regarder un animal à travers sa sensibilité, son pas ses yeux, car certains ne sont pas vous ont à l'oreille ou à l'odorat et tout, à travers lui-même. Et nous, ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres à part entière. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? C'est sur cette phrase qu'on finit la marche des sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Céline Duchesnet, Catherine Donnet, Catherine Decopé, Anaïs Morales et Anne Delaveau de Lina. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique, Nicolas Delmas. Ce minus, je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. La semaine prochaine, ce sera l'été sur France Culture. Et dans cette grille d'été, nous vous donnons rendez-vous le samedi de 11h à 12h pour toute une série de grands portraits de scientifiques. Le meilleur de la marche des sciences. D'ici là, demain à 14h, autre rendez-vous de Culture Science, Sciences Publiques, bien sûr, de Michel Alberganti. Et puis aujourd'hui, dans un instant, à 15h, vous retrouvez Antoine Garapon, Esprit de Justice. Mais tout de suite, les bonnes feuilles du jour, bien sûr. Très bel après-midi sur nos antennes et gardez bien cette phrase de Saint-Exupéry en tête. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Ils sortent d'où ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées.